Belgique, parmi tous ceux qui luttent pour l'honneur, un peu fameux dont la porte magique domine tout d'une pure splendeur. Dans les combats, maître des destinées, il fut toujours le héros éclatant. Son nom s'évoque en de glorieux trophées, et c'est pour lui que nous allons chantant. C'est l'union, c'est l'union, c'est l'union qui sourit. Parmi tous ceux qui luttent pour l'honneur, un club fameux dont la porte magique domine tout d'une pure splendeur. Dans les combats, maître des destinées, il fut toujours le héros éclatant. Son nom s'évoque en de glorieux trophées, et c'est pour lui que nous allons chantant. C'est l'union, c'est l'union, c'est l'union.